le 6-9 de l'été, sur France Inter. Et Magic Elvis, c'est maintenant 40 ans après la disparition d'Elvis Presley. Aujourd'hui, une ville où il a souvent chanté, Las Vegas. Récit Philippe Robin. Si la vie de Presley est liée à Memphis dans le Tennessee, on trouve aussi beaucoup de traces du King dans la ville du vice et du jeu, Las Vegas. En 8 ans, Elvis Presley a donné 837 concerts à l'hôtel Hilton de Las Vegas, devant un total de 2,5 millions de spectateurs. Ce qui lui vaut d'avoir aujourd'hui une belle statue de bronze devant l'entrée du bâtiment. It's a wonderful life, this life I'm living. Je croise Monique, une admiratrice originaire de Corse, qui se souvient des émotions qu'elle a ressenties lorsqu'elle est arrivée devant cet hôtel pour la première fois pour voir un concert d'Elvis. À l'International Hotel, à l'extérieur, bon, il y avait marqué Elvis Presley en grand. Donc c'est, ça ajoutait aussi un petit peu à la féerie du moment. Là, on réalisait quand même qu'on allait voir Elvis, quoi. C'était quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps que c'était fantastique. Marie-France, une autre Française vivant depuis une trentaine d'années à Las Vegas, a assisté à quelques-uns de ses concerts. Et elle se rappelle de quelques combines utilisées par les fans à cette époque. Il n'y avait pas de place numérotée. Vous donniez une pièce à l'ouvreur. Et il se trouve que l'ouvreur qui était là avait suivi un cours de français avec moi. Et alors, il s'est aussi occupé de moi, évidemment, et il y avait une dame et sa fille qui étaient assises juste au bord, donc du balcon, donc première vue. Il est arrivé, il leur a dit « Bougez d'ici, bougez d'ici !» Il nous a mises toutes les deux en bordure. I got a dirty, dirty feeling. Et visiblement, Marie-France n'a pas manqué une miette du spectacle, surtout du petit jeu entre Elvis et ses fans du premier rang. À l'époque, on disait que il y avait des jeunes filles, plutôt jeunes femmes, je suppose, qui payaient 100 dollars au type qui vous mène à votre place pour être en bordure de scène, parce que tous les X temps, il se baissait et il embrassait ces bonnes femmes qui étaient tout au bord. What you got on, you mind? Honey, don't get physical. I've already kissed you. You've already had it. Just hang loose, everybody. We'll get it. Okay, come on. Il avait donc les petits chiens en peluche qu'il jetait à droite et à gauche, et il avait aussi des écharpes en soie. Et alors, il s'épongeait le front avec ses petites écharpes en soie et puis il les jetait aux jeunes dames qui étaient en bordure pour espérer qu'elles allaient être embrassées donc par Elvis quand il se courbait pour embrasser 3 ou 4, il me semble, personnes au bord. Et les femmes qui ont eu la chance de récupérer l'une de ces écharpes doivent aujourd'hui les contempler avec le souvenir ému de cette période où Elvis était le roi incontesté de Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Magic Elvis, Philippe Robin, la suite évidemment, demain